La carafe. La carafe posée au centre de la table est à moitié pleine. Elle a reçu à sa blancheur primaire toutes les couleurs des soirs d'été à la terrasse du jardin anglais. Au soir d'hiver, à la veillée de la cheminée, les couleurs recueillies ont rejoint des bouches, à l'expression des visages, à la source des prunelles qui parlent de silence. La carafe posée au centre de la table est venue d'une bouteille entreposée au sous-sol, dans le voisinage des matières pierreuses et des champignons sans lumière au bout de la terre, dans la transparence de l'eau de cristal de l'amitié s'est posée sur la poésie du ciel.